نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن النفوس البشرية يصيبها السآمة والملل ويعتريها الفتور والكلل كلل عن العمل وفتور عن طاعة الله عز وجل ولكنها ما إن يحدوها الحادي ويقودها الساعي ويذكرها المذكر بسير العلماء والصالحين وأخبار المخبتين والناسكين إلا وتأخذ الهمة في العلو والنشاط قال بعضهم كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي إخوة الإسلام في تاريخنا الإسلامي مفاخر العلماء وعدل الأمراء وزهد النبلاء ولكن ماذا عمن جمع هذه المكارم كلها طلب العلم في صباه فقاده إلى الخشية والنقاء وكان به وريث الأنبياء تولى إمرة المدينة فكان لها نعم الأمير ثم تولى الخلافة ففرح به الصغير والكبير ملأت محبتهم قلوب المؤمنين وشهد له بالخيرة والصلاح حتى غير المسلمين إنه العالم الراشد والخليفة الزاهد أشج بني أمية ونجيبها عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي رحمة الله عليه ولد رحمه الله سنة 60 للهجرة وتوفي سنة 101 أمه هي أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولادته ولد عمر بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة 60 للهجرة يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل يروى في الحديث أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها فنظرنا في 100 الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز ويقول عنه الإمام الحسن البصري ما ورد علينا يعني بالبصرة قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة ويقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله وكان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا قانتا لله أواها منيبا يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر بن الخطاب وفي الزهد مع الحسن البصري وفي العلم مع الزهري رحمة الله على الجميع Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, l'âme humaine est parfois atteinte par la lassitude et l'ennui et elle est saisie parfois de faiblesse et de fatigue. Faiblesse dans les actes et fatigue dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette même âme peut être stimulée, elle peut être rappelée lorsqu'on lui récite les récits des savants et des pieux de cette communauté, les récits des bons, vertueux et des grands adorateurs. L'âme humaine, en entendant ces récits, est attiré vers le haut, vers l'action et vers le paradis. Chers frères et sœurs, se trouve dans l'histoire de l'islam la gloire des savants, la justice des dirigeants, l'abstinence des illustres. Que dire d'une personne ayant réuni toutes ces qualités, le fait d'avoir de la science, d'être juste et d'être abstinent. Il a étudié la science religieuse pendant son enfance, ce qui l'a guidé vers la crainte d'Allah et la pureté. Il fut donc l'un des héritiers des prophètes. Il fut également l'émir de Médine, et il fut un très bon émir. Puis il devint calife de tous les musulmans, et furent heureux de cela les jeunes et les moins jeunes. Les cœurs des croyants étaient remplis d'amour pour cet homme. Même les non-musulmans ont attesté de la bonté et de sa vertu. C'est le savant bien guidé et le calife abstinent, Omar ibn Abdelaziz al-Qurashi, rahmatullahi alayh. Il est né l'année 60 et est décédé l'année 101 de l'Égypte. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit à son sujet, il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah envoie au début de chaque siècle un homme régénérant à cette communauté sa religion. Et en regardant le premier siècle de l'islam, nous avons vu que c'était Omar ibn Abdelaziz. Et le Hassan al-Basri dit à son sujet: lorsque nous parvenaient les écritures de Omar ibn Abdelaziz à Al-Basra en Irak, il y avait dans ces écritures le fait de faire vivre la sunna, ou bien de détruire une innovation, ou bien pour réparer une injustice. Et l'imam Zahabi, rahimahullah, dit à son sujet: c'était un imam faqih mujtahid, connaissant la sunna, illustre, mémorisateur du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grand adorateur, très implorant et repentant. Sa belle biographie et le fait qu'il était juste le place proche de son grand-père maternel, Omar ibn Khattab, et dans l'abstinence proche de Al-Hasan al-Basri, et dans la science proche de Al-Imam al-Zuhri. معاشر المسلمين إن لتربية الوالدين تأثيرا بالغا على الأولاد فقد بعث به أبوه من مصر دار الإمارة حيث كان أميرا عليها بعث به إلى المدينة دار الهجرة والعلم بعثه إليها لينهل من العلم الشامخ ويتأدب بأدب العلماء الراسخين فقد اشتهر عمر على صغر سنه بالعلم والعقل وللعلم نور وبركة لا تجهل لقد حفظ القرآن وهو صغير كتب أبوه إلى صالح بن كيسان رحمه الله وكان عالم المدينة آنذاك يتعاهد ابنه وكان يلزمه بالصلوات فأبطأ عمر يوما عن الصلاة فقال له صالح بن كيسان ما حبسك قال كانت مرجلتي تسكن شعري يعني ممشطتي تسرح شعري فقال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة وكتب بذلك صالح إلى والدي عمر بن عبد العزيز فأرسل رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره لأن ذلك كان سببا لتأخيره عن الصلاة. شعر مزلنا. L'éducation des parents possède un énorme impact sur les enfants. Si on éduque nos enfants dans la religion, ils aimeront la religion. Et si on éduque nos enfants dans autre chose, ils aimeront autre chose. Donc tous les jeunes que nous voyons, loin de la religion, c'est en fait du fait que leurs mêmes parents ne les ont pas éduqués dans la religion. Tout simplement, si on éduque nos enfants dans la religion, ils aiment la religion. Et si on ne les éduque pas dans la religion, ils aimeront autre chose. Le père de Omar ibn Abdelaziz, qui est donc Abdelaziz ibn Marwan, il était l'émir de l'Égypte. Et il envoya son fils vers Médine, la demeure de la science à cette époque. Il l'a envoyé à Médine pour qu'il y apprenne la science religieuse et qu'il apprenne le comportement des savants enracinés dans la science, que l'on appelle le lama al-rasikhi. Omar, malgré son jeune âge, était connu pour sa science et sa raison, car la science possède une lumière et une bénédiction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris le Coran dès son plus jeune âge. Son père, un jour, voulait prendre des nouvelles de son fils. Et il a écrit donc une lettre à Saleh ibn Kaysan, qui était le savant de Médine à l'époque. pour prendre des nouvelles de son fils Omar. Car son père l'obligeait à prier, comme tout musulman censé. Un jour, il est arrivé, Omar arrivé en retard à la prière. Et Saleh lui a dit, qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui t'a retardé pour venir à la prière à l'heure? Il lui a alors dit, je me faisais démêler les cheveux. Je me faisais démêler les cheveux. Saleh lui dit alors, ton démêlage de cheveux est si important que tu l'as préféré à la prière. Saleh ibn Kaysar raconta cela au père de Omar en lui écrivant vers l'Égypte. Ibn Abdelaziz ibn Marwan, donc le père de Omar, envoya alors tout de suite un homme d'Égypte pour aller raser la tête de Omar ibn Abdelaziz. Car c'est une chose qui l'avait empêché de venir à la prière à l'heure. Voyez comment étaient les parents musulmans à l'époque. Toutes choses qui empêchaient leurs enfants d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils les éloignaient de cela. Ibadallah. Kana Omar wazir al-sidq ya'idhu al-khalifata wa yubki wa yuhabbibu ilayhi al-ra'iyata wa yahdi. Fafi ihda al-sanawat حج سليمان بن عبد الملك الخليفة آنذاك فرأى الخلائق بالموقف يعني بعرفة فقال لوزيره عمر أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عدده إلا الله فقال له عمر هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك فبكى الخليفة بكاء شديدا وهكذا ينبغي أن يكون المستشارون وهكذا ينبغي أن يكون الوزراء يعظون وينصحون الخلفاء وحين ولي عمر الخلافة وهو لها كاره استعان بالله عز وجل فأعانه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها متفق عليه فإذا أوتي الإنسان الملك وهو لا يريد ذلك أعانه الله عليه وإذا أراد الإنسان الحكم وهو يريد ويحرص عليه وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحكم وأضاعه وكان عمر بن الخطاب يقول من ولد رجل بوجه شجة يعني جرحة يملأ الأرض عدلا أخرجه الترمذي في تاريخه وكان في وجه عمر بن عبد العزيز شجة يعني جرحة وإذا نظر كثير من الناس إلى المسؤولية رآها مغنما وفرصة ذهبية من الناس إذا قلت له هو لي تريد أن تصبح رئيس والفرصة ذهبية أكتسب وأغتلي بها ولكن عمر ابن عبد العزيز رأى ذلك مغرما ومسؤولية وهما وطالما بكى وحق له البكاء لعظم الحمالة التي يحملها وهذه زوجته فاطمة بنت عبد الملك تقول دخلت على عمر وهو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه فقلت يا أمير المؤمنين ألي شيء حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند خصومتي فرحمت نفسي فبكيت أيها الإخوة الكرام لقد عرف عمر بخوفه العظيم وتعظيمه أمر الآخرة يقول مكحول رحمه الله لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر ابن عبد العزيز وتقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك ما رأيت أحدا أشد خوفا من ربه منه كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه يبكي حتى تغرب عينه يفعل ذلك ليله أجمع. ويقول عطاء رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. انظروا إلى الأمراء في أيام السلف كانوا يجمعون العلماء فيتذاكرون الموت والآخرة ويبكون جميعا. وهكذا إخوتي، فما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. شخص كتاب الله عمر بن عبد العزيز lorsqu'il était أمير il était un ministre sincère. Il exhortait le calife et le faisait pleurer. Il lui faisait aimer le peuple et il le guidait vers le droit chemin. Une année, Suleyman ibn Abd al-Malik a accompli le pèlerinage et il a vu la grande foule de pèlerins le jour de Arafat. Et il dit alors à Omar ibn Abd al-Aziz: « Oh Omar, regarde tous ces gens que nul ne peut compter leur nombre sauf Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, qu'elle n'aime jamais. Omar ibn Abdelaziz, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit: tous ces gens, aujourd'hui, sont ton peuple et demain, ils seront tes ennemis. C'est-à-dire, fil akhira. Et le calife, en entendant cela, il s'est alors mis à pleurer très fort. Et donc, c'est ainsi que doivent être les conseillers des rois, des présidents et de tous les dirigeants et les ministres sincères dans leurs tâches. Et lorsque Omar est devenu, à son tour, calife, alors qu'il ne voulait pas cela, il demanda l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a aidé dans sa tâche. Abdurrahman ibn Samura radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Oh Abdurrahman ibn Samura, ne sollicite pas le pouvoir. » Il ne faut jamais que le musulman il demande le pouvoir. Car si tu le réclames et qu'on te le confie, tu en seras dépendant. Tu n'auras aucune aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu réclames le pouvoir et qu'on te le donne, Allah ne t'aidera pas. Alors que si tu ne le sollicites pas et que tu le confies, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Omar ibn Khattab, le chef des croyants, disait: il y aura de ma descendance un homme sur son visage, il y aura une blessure et qui remplira la tête, la terre de justice. Yamla'ul arda adlan. Et Omar ibn Abd al-Aziz possédait une blessure sur son visage, c'est pour ça qu'il était appelé Ashej Bani Umayya. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur propose une autre responsabilité, ils se disent: c'est une occasion en or, une occasion de gagner beaucoup d'argent, une occasion d'être respecté, une occasion de faire ce que l'on veut. Mais Omar ibn Abd al-Aziz, du fait qu'il était très pieux, il a vu cela comme une charge dangereuse et beaucoup de tracas. Et combien de fois a-t-il pleuré de l'énorme responsabilité qui lui était confiée? Sa femme, Fatima Tumitu Abd al-Malik, nous dit: je suis entré un jour et j'ai vu Omar assis dans sa moussalla, la main sur la joue, les larmes qui coulaient. Je lui dis: oh Omar, tu pleures pour une chose qui est arrivée? Il dit: oh Fatima, je suis responsable des affaires de la nation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je pense aux pauvres affamés, aux malades oubliés, aux dévêtus en difficulté, à l'opprimé, violenté, à l'étranger prisonnier, à la personne âgée et aux familles nombreuses dans tous les pays musulmans. Et j'ai su qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demanderait des comptes sur tous ces gens-là. Et que mon opposant le jour de la résurrection sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je crains de ne pas avoir d'argument lors de notre opposition. J'ai été clément avec mon âme et c'est pour cela que je pleure. Omar était connu pour son immense crainte d'Allah et sa peur de l'au-delà. Makhoul rahimahullah nous dit: je pourrais jurer par Allah subhanahu wa ta'ala que je n'ai jamais vu de personne plus renonçant à ce bas monde et craignant le plus Allah que Omar ibn Abd al-Aziz. Et sa femme, Fatima bint Abd al-Malik, nous dit: je n'ai jamais vu personne craignant le plus son Seigneur que lui. Après avoir prié l'Isha, il restait à la mosquée Puis il levait ses mains et pleurait jusqu'à ce qu'il s'endorme, et il faisait cela toute la nuit. Et Atta ibn Abi Rabah nous dit, Omar ibn Abdelaziz réunissait chaque nuit les savants, et il se rappelait la mort, le jour de la résurrection et l'au-delà, et il pleurait. Chers frères et sœurs, ainsi est le musulman. Plus il connaît Allah, plus il le craint. Plus il connaît Allah, plus il le craint. Et celui qui craint Allah ici-bas sera en sécurité dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum, un châtiment parmi les châtiments de l'au-delà. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لم يصنع عمر رعيته حين زهد وبكى وخاف من ربه جل وعلا، بل دفعه زهده وخوفه إلى الإنتاج والعمل ومجانبة الراحة والدعة والكسل. ومن مظاهر هذا الخوف من الله وهذا العمل انتشار الفتوحات في زمانه، فقد اتسع الأراضي الإسلامية في زمان عمر بن عبد العزيز، وكذلك زالت المنكرات في زمانه، وكذلك أصبح الفقراء أغنياء بفضل الله عز وجل، فلم يوجد في عهده فقير محتاج. في زمانه كان لا يوجد فقير محتاج، فقد كان يأتيه الرجل بالمال العظيم فيقول لعمر اجعله حيث شئت، فما يبرح حتى يرجع بماله كله لا يجد محتاجا يأخذ. Cher musulman, Omar ibn Abdelaziz ne faisait pas semblant en renonçant à ce bas monde et en pleurant et en craignant son Seigneur. Au contraire, c'est même son abstinence et cette même crainte d'Allah qui l'ont poussé à œuvrer et à produire. Il a délaissé le repos et l'inaction et la paresse, et les preuves à cela, le fait des très nombreuses conquêtes qui ont eu lieu à son époque, et la disparition de ce qu'on appelle les munkarat, les turpitudes, et également l'enrichissement des pauvres. Il n'y avait à son époque plus de pauvres, à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Il se pouvait qu'un homme vienne à Omar ibn Abdelaziz avec une grosse somme d'argent, en lui disant, distribue-la chez les pauvres. Et l'homme revenait chez lui avec toute cette somme, car il n'avait pas trouvé de gens à qui donner son argent en sadaqa. Ribadullah. لقد سرت نزاهته على ولادي وصار الزهد في أهل بيتي وألزم عشيرته بما ألزم به نفسه. نعم، ما كان عمر يأمر الناس بشيء ثم يخالف ذلك، وحسبك أن تعلم رصيده قبل الخلافة وبعدها. كم كان ماله قبل استخلافه وبعد وفاته. أحد أبنائه عبد العزيز ابن عمر يقول، دعاني المنصور وكان الخليفة آنذاك، فقال، كم كان مال عمر ابن عبد العزيز حين استخلف؟ قلت 50,000 دينار. فقال له، كان يوم موته قال 100 دينار. لما توفي كان يملك 200 دينار فقط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو شربة ماء. أخرجه الترمذي. شخص عبد الله، la pureté de Omar ibn Abdelaziz déteignait sur ses ministres. Du fait que lui était pur, ses ministres également étaient purs et craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son abstinence également déteignait sur sa famille. Toute sa famille était ce qu'on appelle des zuhad, Il imposait également à ses proches ce qu'il s'imposait à lui-même. Il te suffit comme preuve sa richesse avant et après qu'il fut calife. En général, c'est l'inverse de notre, à notre époque. Ils n'ont pas d'argent avant de devenir dirigeants, et ils ont beaucoup d'argent à la fin. Abdelaziz ibn Omar, le fils de Omar ibn Abdelaziz, dit, Al-Mansour un jour m'a demandé, Mansour c'était le dirigeant de l'époque, il lui a dit, quelle était la richesse de Omar ibn Abdelaziz au moment où il est devenu calife? Il lui a dit, 50 000 dinars. Il lui a dit alors, et quelle était sa richesse le jour de sa mort? Il lui a dit 200 dinars. Le jour de sa mort, il ne possédait que 200 dinars. Car il savait que toutes les richesses de ce bas monde ne valaient rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce bas monde valait auprès d'Allah le poids d'une aile de moustique, il n'aurait pas consenti aux mécréants une seule gorgée d'eau, rapportée par Imam al-Tirmidhi. Ikhwat al-Iman. لِكُلِّ خَلِيفَةٍ أَعْوَانٍ وَلِكُلِّ أَمِيرٍ جُلَسَاءٍ فَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ جُلَسَاءَ عُمَرٍ فَمُنْذُ كَانَ وَالِيًا عَلَى الْمَدِينَةِ إِسْتَدْعَى عَشَرَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَائِهَا فَقَالَ إِنِّي دَعَوْتُكُمْ لِأَمْرٍ تُؤْجَرُونَ فِيهِ وَنَكُونُ فِيهِ أَعْوَانًا عَلَى الْحَقِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَقْطَعَ أَمْرًا إِلَّا بِرَأْيِكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا يَتَعَدَّى أو بلغكم عن عامل من عملائي ظلامة فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني فجزوه خيرا وافترقوا أما الشعراء والمداحون فلم يكن له رواج في زمان وخلافة عمر رضي الله عنه وعنهم يعبر الشاعر جرير الذي طال مقامه على باب عمر ولم يلتفت إليه فكتب جرير إلى عون بن عبد الله وعون بن عبد الله عالم من العلماء وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وكان قريبا لعمر بن عبد العزيز فكتب له جرير فقال له يا أيها القارئ المرخي عمامته هذا زمانك إني قد مضى زمني أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالعصفور في قرني لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني فكان زمان العلماء في زمان عمر بن عبد العزيز ولم يكن زمان الشعراء والمداحين شخص عباد الله شك خليف بوساد دي جان بروش دو لي. Chaque calife possède des assistants et des ministres. Et chaque émir possède des compagnons. Les savants et les fuqaha étaient les compagnons de Omar ibn Abdelaziz. Alors qu'il n'était que émir de Médine, il réunit un jour 10 parmi les ulama de Médine et leur dit « Je vous ai réunis et je vous ai fait venir pour un sujet sur lequel vous serez récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous assisterons dans la vérité. » Je ne peux pas décider sans votre avis. Regardez à l'époque de Omar, il ne prenait aucun avis sans l'avis des ulama. Il leur dit alors, si vous voyez quelqu'un transgresser, ou si vous entendez parler d'un préfet qui est injuste, je vous demande par Allah de m'en informer. Je vous demande d'en informer. Ils l'ont remercié et s'en sont allés. Quant aux poètes et aux louangeurs, ils n'étaient pas appréciés pendant le khilafa de Omar ibn Abdelaziz. Ceux qui viennent et qui font l'éloge des rois et qui font l'éloge des dirigeants, Omar ibn Abdelaziz n'aimait pas ces gens-là. Jalil, le poète, le très célèbre poète de cette époque, il restait à la porte du palais de Omar ibn Abdelaziz et Omar ibn Abdelaziz ne faisait pas attention à lui. C'est-à-dire que Jalil, il a écrit une lettre à Aoun ibn Abdillah, un savant de l'époque, afin qu'il intervienne auprès de Omar ibn Abdelaziz pour qu'il lui donne un peu de son temps, en lui disant « Ya ayyuhal qari' al-murkhi iman matahu »« Ô toi savant qui a une grande imama »« Ala zamanuka inni qad mada zamani » C'est ton époque alors que mon époque à moi elle est passée. Il n'y a plus personne qui me donne de la valeur. أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه. Dit au calife, si tu le rencontres, أني لدى الباب كالعصفور في قرني. que je suis auprès de la porte comme un oiseau coincé entre deux montagnes. Bref, il n'avait pas de valeur à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Ayyuhal muslimoun. بعد هذه الحياة النضرة والسيرة الكريمة العطرة يموت عمر خليفة المسلمين سنة 101. تقول زوجته فاطمة سمعته يقول وهو في سياقة الموت مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان يعني وجوه الملائكة ثم تلا قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فما زال يكررها حتى فاضت روحه ثم عم الحزن جميع الناس فبكاه اليتامى والأرامل والأغنياء والفقراء والرجال والنساء والصالحون والعلماء. يقول عن الحسن البصري رحمه الله مات خير الناس ويقول جرير شاعر زمانه الذي لم يلتفت إليه عمر ومع ذلك أثنى عليه في قصيدة يقول تنعت معاذ أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. شعر مسلم. Après une vie merveilleuse et une histoire noble et magnifique, Omar mourut calife des musulmans, la laissant un de l'égir. Sa femme Fatima nous dit « Je l'ai entendu dire lors de sa mort, bienvenue à ces visages qui ne sont ni des visages d'hommes ni de démons, c'est-à-dire les visages des anges. » Et il récita ensuite le verset du surat al-Tur, où Allah subhanahu wa ta'ala, ou surat al-Qasas, où Allah dit « Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. Cependant, l'heureux fin appartient aux pieux. » Et il ne cessa de répéter ce verset jusqu'à ce que son âme sorte de son cœur. Puis, la tristesse fut générale chez tous les musulmans. Les orphelins pleurèrent ainsi que les femmes veuves, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les pieux et les ulama. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, nous dit à son sujet, « Est mort le meilleur des hommes. » C'est-à-dire de son époque. Sallallahu alayhi wa ta'ala an yarhama Omar ibn Abdel Aziz wa an yarda an sahaba wa tabi'in wa an yarda an khulafa al-rashidin Abi Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali alladhina qadaw bil haqi wa kanu bihi ya'dilun Allahumma in yasaluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min al-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.